L'après-midi est triste et pâle. Des explosions annoncent un enterrement. Et ce que tu fus aimé revient embaumé dans mes bras. Je jetterai tout.